je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Elle a fui sans ses valises vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêvait de banquise, puis préférait Tarzan furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Venise, les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.